Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 22 novembre aux questions d'un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée du fait qu'Obama a mis en cause le renforcement de la force nucléaire tout à fait juste. En voici le résumé. Au cours de la réunion d'APEC tenue au Pérou, Obama a de nouveau fait bruit d'une certaine action provocatrice et de la dénucléarisation de notre pays. Si Obama parle d'une provocation pour justifier la sanction et la pression tout à fait invalides, c'est un emportement désespéré pour éviter la responsabilité de faire de notre pays une puissance nucléaire et dissimuler l'échec de sa politique envers la Corée. Si on souligne une fois de plus la politique d'hostilité envers la Corée de nature scélérate et les menaces et chantages nucléaires poursuivis par les gouvernements successifs américains sont d'un bout à l'autre le foyer de l'aggravation de la situation dans la péninsule coréenne et la cause principale de notre possession nucléaire. Plus les Américains s'évertuent ouvertement à violer et à supprimer notre souveraineté et notre droit à l'existence, plus cela ne raffermira que notre esprit de se renforcer soi-même et notre volonté de renforcer les forces nucléaires. Le moyen principal de la solution du problème de la péninsule coréenne, c'est que les Américains voient correctement notre position stratégique changée et le courant de l'époque et prennent une décision de renoncer à leur politique hostile.